Salut, ça va? Bon, attends, faut que je me fasse un petit café, que je me roule un petit mégot. Ça, c'est la tasse. Il faut que je nettoie. Je reviens dans pas longtemps. Bon, globalement, j'ai pas grand-chose en plus à te raconter, mais voilà des petites choses dont on peut parler comme ça, ou enfin, dont on peut parler. Malheureusement, c'est parfaitement mensonger comme présentation, puisque en fait, dont on peut parler, ça veut dire que moi parler, toi écouter, c'est pas très. On n'est pas vraiment dans l'échange. Dans le culot. Ça va être ton petit plaisir de la journée. Alors, la première partie, ça va être un peu podcast. Podcast et réseaux sociaux, je sais pas. On verra exactement ce que je dis. Bon, je suis désolé si t'entends des fois le bruit de la table, le bruit du papier, la cigarette. Je vais fermer la deuxième porte. Les courants d'air qu'elle me claque. Alors bon, comme tu le savais peut-être déjà, ou mais bon, alors pour ce que c'est de ce podcast là, ne m'en veux pas si je supprime des épisodes, si je fais ma tambouille, si tout d'un coup j'arrête, puisque je sais pas exactement ce que je vais faire avec ce truc là, et que l'idée de garder quand même une espèce d'anonymat, de pas créer un personnage sur les réseaux sociaux lié à ce podcast, parce que c'est pas vraiment un podcast. Désolé, la chaise va faire du bruit. Donc, mais comme tu le savais, justement, j'avais quand même un podcast amateur, hein, indépendant, puis que je faisais en grande partie tout seul. Et depuis 3 ans. Et tous les ans, je me posais la question de savoir comment le continuer, si ça avait du sens encore de le faire. Et puis là, cet été, j'ai été pris de, pas une crise de foi, hein, mais de la quasi-certitude vers juillet, août, que là, cette fois-ci, j'aurais pas la motivation de continuer. Donc un podcast plutôt littérature philo. Et c'est très compliqué parce qu'il y a 50 millions de choses à dire déjà dans la démarche. Parce que je ne fais pas dans la vulgarisation, et tu vas voir, ça va être... Je ne faisais pas un podcast de vulgarisation littéraire ou philosophique, et déjà, rien que de te dire ça, soit tu dis oui, et en fait, c'est parce que tu... Oui, tu, et tu comprends pas ce que ça déjà implique, mais parce que je t'explique pas, mais parce que... Pff, y a, c'est des implications d'une vie, j'ai envie de dire, tu vois, de perception, de beaucoup de choses, de rapport à la vie. Et c'est lié à ce que je vais te, ce dont on va parler. T'as vu, je réutilise la formule mensongère après. Bon, mais globalement... si je veux te résumer quand même le point de vue, pourquoi je dis je ne faisais pas dans la vulgarisation, c'était parce que j'estimais que je me situais dans un entre-deux, entre... si tu veux, il y a une conception complètement ridicule et débile portée par les uns comme par les autres, c'est-à-dire par toujours un peu les deux extrêmes, c'est-à-dire d'un côté, et c'est surtout de l'autre... Maintenant, c'est surtout d'un côté. Il y a une période où c'était plutôt... Il y avait des grosses élites intellectuelles qui avaient accès à la culture et les autres n'y avaient pas droit et méprisaient les gueux qui n'avaient pas le droit à la culture, à la philo, à l'éducation, à l'université. Mais tout ça n'existe plus depuis longtemps. Et les gens d'aujourd'hui, ils n'ont aucune excuse pour ne pas connaître autre que « ça ne m'intéresse pas ». Sauf qu'au lieu de dire ça ne m'intéresse pas, on dit on complexifie pour que les pauvres ne comprennent pas, ou ce genre de choses. Il faut mettre tout le savoir à niveau, et donc on accepte la vulgarisation comme une voie tout à fait démocratique et normale, sans voir le problème. Alors que moi, j'estimais que s'il y avait une autre voie, que d'un côté l'élite et de l'autre le populaire, le peuple, hein, celui qui dit le peuple, là, on va en parler de ça, du populisme, bah, y a un certain populisme culturel, populisme intellectuel très lié à la vulgarisation, très lié à beaucoup de choses et à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et aussi dans le podcast. Qui vit aussi une espèce d'autosatisfaction. On aime bien présenter, on aime bien parler des problèmes dans la culture populaire, on aime bien surtout montrer à quel point des méchantes élites ou des méchants riches ou des méchants, je sais pas, élitistes pointent, méprisent la culture populaire. Alors que je pense qu'aujourd'hui, l'élitisme, c'est un truc minoritaire comparé au populisme. Et finalement, ce qui nous agace, c'est plus bon, qu'on éventuellement on s'intéresse à un domaine qui n'est pas bien passionnant, où il n'y a pas grand-chose à se dire. Hein. Être passionné de Marvel, être passionné des super-héros, c'est sympa, mais il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas grand-chose à en dire, tu vois. Mais on fait des podcasts quand même là-dessus, on fait des expos là-dessus, on écrit là-dessus, et on se dit « Ah oui, c'est passionnant, c'est très intéressant tout ça », comme si c'était... vraiment passionnant, hein, comme si c'était vraiment passionnant. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave, hein, c'est pas bien grave ce problème-là. Mais j'ai plus trop envie de. Enfin, en tout cas, moi, dans le podcast que je faisais, j'avais envie de me situer dans un entre-deux qui est de dire mais on s'en fout en fait d'être élitiste ou populiste là-dedans. C'est marrant parce que le terme populiste n'est pas vraiment utilisé dans le secteur culturel, on parle d'élitiste, alors qu'en fait on pourrait largement parler, là on va parler de populisme politique après, mais on pourrait parler beaucoup plus souvent qu'on ne le croit de populisme culturel, et on serait choqué parce qu'on se rendrait compte que c'est gigantesque comme part, tu vois. Mais puis ça arrange tout le monde, hein. Et ça arrange surtout les élitistes qui est des populistes dans la culture, enfin dans la culture en tant que marché, hein, le marché de la culture bien sûr. Quoi qu'il en soit, moi je me disais mais non, c'est pas comme ça qu'il faut voir le problème. La philosophie par exemple ou la littérature, c'est pas un savoir détenu par une élite qu'il faut mettre à hauteur de tout le monde. En plus, tout le monde c'est personne, tout le monde ça n'existe pas. Si on dit, on part du principe que les gens sont cons et qu'il faut le mettre à simplifier le savoir, c'est vraiment une vision là, populiste. Voilà, ça s'appelle pour moi, à mes yeux, la vulgarisation. Et il y a des gens qui sont contents dans ce schéma-là. Ils oublient que quand on comprend une chose qu'on a simplifiée pour qu'on la comprenne, ce qu'on comprend, c'est pas la chose qu'on a simplifiée, c'est le discours simplifié. Voilà. Et on n'a pas accès en fait aux vrais problèmes derrière, aux vrais enjeux. Et d'ailleurs, la personne qui a vulgarisé, en général, ne connaît pas lui-même, n'a pas eu accès à ces enjeux-là parce qu'il s'en fout en fait, vu qu'il considère tout ça comme un savoir. Donc moi, dans mon podcast, j'ai plutôt pris la démarche qui est, alors élitiste aux yeux de certaines personnes, mais en fait, c'est complètement con, c'est pas que c'est élitiste, c'est juste que c'est pragmatique, ou réaliste, ou que c'est vrai, en fait, qui est que la philosophie et la littérature, c'est absolument pas une question de savoir, c'est une question de curiosité. Soit tu t'intéresses à la philo et à la littérature, et tu vas voir que bah, y a des choses que tu vas comprendre, des choses que tu vas pas comprendre, mais en tout cas, il est pas question une seule seconde de savoir simplifier, de savoir trop compliqué. Donc la seule chose qui reste à ce niveau-là, c'est les gens qui disent que ça les intéresse, et puis les gens qui disent qu'ils s'en foutent. Alors que la vulgarisation, c'est comme si c'était le savoir à portée de ceux qui s'en foutent. Sauf que ceux qui s'en foutent, ils vont pas comprendre, ils vont peut-être apprendre 2-3 trucs, mais ils comprendront jamais, puisqu'ils s'en foutent, c'est normal, c'est pas parce qu'ils sont cons, c'est parce qu'ils s'en foutent. Mais ils ont le droit de s'en foutre, mais alors dans ce cas-là, ça sert à rien de faire semblant. C'est comme si moi je me disais, je croyais savoir des choses en physique, par exemple. Voilà. J'y connais rien en physique. J'ai envie de dire, en partie, c'est parce que c'est vrai que je m'en fous un peu. Il y a des choses dont je me fous pas, qui attirent un peu ma curiosité, mais j'ai la flemme, hein. Je suis paresseux. Je peux dire que j'ai pas le temps. En partie, c'est vrai que ça doit être une question de temps, mais c'est aussi parce que je suis certainement trop bête ou j'ai certainement pas le temps non plus, de toute façon, de comprendre. Bon, la philosophie, c'est pareil, hein. Si tu n'y connais rien en philo, soit tu dis que ça t'intéresse pas, soit tu dis que t'as pas eu le temps, soit tu dis que t'es un peu curieux, mais tu vas pas dire que ça t'intéresse énormément et que t'as appris la philosophie avec Michel Onfray et Luc Ferry et je ne sais pas qui, BHL, quoi. Non, ça n'a aucun sens de dire ça. Mais j'ai entendu moult fois dans mon existence des gens dire ça. Ça, c'est monnaie courante et ça s'appelle du populisme. On peut appeler ça comme on veut, mais c'est une forme de populisme culturel. Donc voilà, qu'est-ce que j'essaie de faire avec mon podcast finalement ? Donc, si certains écoutaient le podcast et qu'ils disent « Ah, c'est ça en fait ce qu'ils voulaient faire, mais c'est horrible, c'est un putain d'élitiste », bon, bah, s'ils disent ça, c'est qu'ils n'ont rien compris. Au contraire, je pense que c'est l'inverse. C'est hors cadre élitiste populiste, c'est hors de cette opposition. De toute façon, si on voit le monde avec des oppositions binaires, en général, je pense que c'est... On devrait se mettre à remettre en cause... comment on voit les choses, quoi. Tu vois, les oppositions binaires, en général, il te manque un truc, au moins une partie de la vérité ou de la réalité. Bon, quoi qu'il en soit, je m'attendais pas à avoir beaucoup d'auditeurs en faisant un truc comme ça, parce qu'effectivement, bon, bah, aux yeux de ceux qui s'en foutent, ils s'en foutent, donc écoutez ça, et au bout de 2 secondes, ils se disent « Ah bah non, c'est du charabia obscur ». C'est pas de la vulgarisation, donc c'est un peu élitiste, et puis bon, de quoi il parle, quoi, limite. Mais en fait, il y a eu quand même pas mal de gens qui ont écouté et qui ont compris la démarche, tu vois. Des gens qui étaient pas dans un délire surtout pas, je pense pas que les gens qui ont écouté étaient des gens qui se pensait une hyper balèze en philosophie. On m'a sorti ça il y a pas longtemps, dans mes plans de drague foireux, une nana qui m'a dit « Je suis très fort en philosophie ». Et là, dans ma tête, je fais « Aïe, mais qu'est-ce que ça signifie être très fort ? Je suis très fort en philosophie. J'ai très peur hein, en entendant un truc comme ça. Jamais de la life, un mec qui fait de la philo sérieusement, même depuis 10 ans, va te dire « Je suis très fort en philosophie ». Ça n'a aucun sens de dire ça. Éventuellement, tu peux dire « Je connais beaucoup de choses. J'ai lu tous les auteurs. Je peux te résumer toutes les théories kantiennes, tous les chapitres de la critique de raison pure. J'ai lu toute la phénoménologie de l'esprit. Je peux te citer des chapitres et te montrer les implications. » Oui, là, quelqu'un dirait ça, peut-être. Ouais, là, il est fort. Ouais. Quoi qu'il en soit, un des trucs qui me plombait, je crois, un peu le moral à chaque fois, c'est, je pense, le manque total d'interactivité avec les gens qui écoutaient, alors qu'il y avait quand même... C'en était venu à une certaine période vers les 4000 par mois. Ce qui peut paraître beaucoup, mais ce qui n'y a rien dans le monde du podcast. Je veux dire, t'as des podcasts qui sont écoutés, je sais pas, j'imagine plus de 20 000 fois par mois, plus de 30 000 fois, peut-être plus... Je ne connais pas les stats des autres podcasts en général, mais je sais que voilà, il y en a que c'est largement plus de 20 000. Et c'est pas le sujet. Enfin, là-dessus, il y a un côté un peu triste au sens de répétition. C'est-à-dire que les podcasts qui sont les plus écoutés, finalement, sont des choses que tu aurais pu retrouver dans une radio normale. C'est pas un mec tout seul qui parle de quelque chose, quoi. C'est des trucs. Qui ont un ton, on peut se dire oui, non, on passerait jamais ça à la radio, mais c'est faux, à la radio ils osent des trucs aussi. Bon. Mais en fait, bon. Je m'attendais pas à avoir des milliers, j'ai eu beaucoup plus d'écoutes que ce que je croyais, mais pas beaucoup d'interactions. Alors ça m'a permis de découvrir d'autres podcasts super sympas, des gens passionnants qui continuent leur podcast, j'espère, j'en sais rien, si c'est ce qu'ils veulent, oui, continueront leur podcast, mais moi, j'ai fait ce que je voulais faire, je pense, donc ça, c'est, je regrette rien, mais il y a un moment donné où j'avais vraiment l'impression de faire mon truc dans le vide total, tu vois. Donc c'était pas triste, parce que je regrettais pas, puisque je renouvelais le truc quand même, et puis je me faisais plaisir en le faisant. Et j'ai jamais, au moins, je me suis dit, j'ai jamais pris les gens pour des cons, je me suis jamais posé en spécialiste qui allait expliquer aux gens qui ne comprennent pas. Non, j'ai fait des trucs, j'ai partagé ma recherche de manière honnête, c'est-à-dire soit tu trouves ça con et c'est con, soit tu trouves ça intéressant et bah, tant mieux, mais j'ai fait ce que j'ai voulu faire, quoi. J'ai pas triché, j'ai pas dit. Non mais je vous simplifie les choses parce que sinon c'est trop compliqué. j'ai fait ce que j'ai partagé un bout de ce qui se passait dans ma tête. Alors, pas tout, parce qu'il y a des trucs qui peuvent pas se partager parce que ça serait inaudible ou un peu trop bizarre, trop inachevé, trop de doutes. Surtout que moi, quand je pense un truc, en général, j'ai tendance à le remettre en cause immédiatement, donc c'est très difficile de faire un épisode, une émission, un podcast sur un thème qui m'intéresse, un sujet qui m'intéresse, un problème, quelque chose qui me pose problème, puisque justement, ça me pose problème, ça veut dire que j'ai du mal à le penser et à le formuler. Donc, ça faisait beaucoup d'épisodes bizarres. Alors, je me suis retiré des classements, mais j'ai gardé... le podcast pour l'instant il est encore écoutable. J'ai pas encore supprimé le site, mais je vais le supprimer bientôt, puis ça me fera faire des économies. Et j'ai supprimé le compte Twitter associé, voilà, en me disant bon. Puis en plus, je me suis même recentré un peu dans l'écoute de mes podcasts. Je me suis dit bon, finalement, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment dans ce que j'écoute. Je vais te le dire maintenant, tiens, ça te fera une recommandation. Alors, Playdead, c'est un truc sur la mort dans le jeu vidéo en anglais, mais elle a pas posté depuis cet été, il me semble. Depuis mai. Donc ça date un petit peu. Et ensuite, La Case Rétro, parce que c'est des mecs joyeux qui parlent de jeux vidéo et de jeux vidéo de leur enfance, mais sans pathos, sans nostalgie appuyée, quoi. C'est juste des mecs qui kiffent, qui sont passionnés, qui connaissent suffisamment bien leur domaine et qui rentrent pas dans des débats d'opinion, genre « Ah non, c'était bien, non, c'était pas bien ». Donc, eux, je les écoute. C'est mon application de chinois qui vibre. Après, je continue à écouter La Diagonale du Vide parce que c'est un peu un poète, et puis c'est voilà, je l'ai rencontré deux fois, le gars qui fait ça, il est super sympa, et son podcast est un truc un peu ovni, un peu comme ce que je faisais aussi. Moi, on m'a souvent dit que c'était un peu ovni mon truc, bah lui c'est un peu ovni, et j'ai, voilà, j'aime bien écouter. Puis alors lui, il est plus humaniste que moi, je pense, il est un peu plus généreux, un peu plus sympa que moi, donc... c'est entre la vie des slice of life, comme on dit, des tranches de vie, voilà, et puis des textes, des trucs qu'il dit, qu'il doit écrire un petit peu ou pas, qu'il improvise peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas c'est toujours assez joli à écouter. Ensuite, j'écouterai toujours, je pense, ils en font pas beaucoup, mais c'est normal, peut-être c'est super compliqué à mettre en place. Cornelius Enzira sur la planète des singes. Troisième espace, c'est les mecs de Je Game Moi Non Plus qui essaient, ils sont un peu dans la même recherche que moi, je crois, j'ai l'impression, enfin, qu'ils essaient de continuer sans savoir trop comment. Mais ils ont des trucs à dire, et puis c'est des mecs super sympas. Bon, Exquise Fission, parce que je vais peut-être y participer à un moment donné, d'ailleurs, tiens, faudrait que je regarde. Je vais regarder en live, excusez-moi, je fais tout en même temps, vu que j'ai le temps n'est pas compressible. Je vais aller regarder ce que j'ai dit au mec, je sais que j'ai arrêté mon podcast, je veux bien continuer à faire le truc, mais peut-être que ça te gênerait. Ah non, bah justement, il me répond, c'est pas grave, la personne qui a commencé à faire ça, la première Exquise Fiction n'avait pas de podcast, c'est pas grave. Et puis Artefact, le mec Draven, le mec de 24 FPS, et 24 FPS, bah, je continuerai à écouter, et je crois que, grosso modo, c'est les seuls trucs que je vais continuer à écouter. Oui. Pour l'instant, en tout cas. Après, si je découvre d'autres trucs, je les écouterai. Je vais pas m'interdire d'écouter des podcasts. Mais au fond, je suis un peu. Je trouve dommage que, à part 2-3 podcasts, il n'y ait pas eu plus de rencontres un peu. Voilà, de trucs de partage où j'aurais pu me greffer à quelque chose, ou sans me greffer, ça aurait pu faire écho à d'autres choses, et puis finalement, bah, je faisais mon truc un peu dans mon coin, avec quelques écoutes, et puis voilà. Donc ça a fini par, je pense, me fatiguer aussi. Et puis, il y a des trucs qui sont pas destinés à perdurer, tu fais ton truc parce que tu y crois pendant un certain temps, puis à un moment donné tu y crois plus, t'arrêtes, ben tant mieux, vaut mieux ça que continuer, ou se mettre à prendre justement les gens pour des cons et dire attends, je vais faire plus d'écoute, donc je vais faire de la vulgarisation. Alors je voulais te lire un truc maintenant. Attends, j'essaie de le retrouver. Attends, c'est une tribune dans Libé aujourd'hui. Alors, gilets jaunes à Paris, des groupuscules d'extrême droite s'affichent. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Donc ça s'appelle... Je sais pas si je vais tout te lire. Non, c'est long quand même. Mais tu peux la retrouver sur Libé, ça s'appelle Gilets jaunes, vert, rouge, rose, convergent. Et ça a attiré mon attention, notamment parce qu'il y a Patrick Chamoiseau, qui écrit, qui est écrivain, connu, hein, qui est publié chez Gallimard, qui participe, qui signe, enfin qui écrit à plusieurs, il y a des historiennes, des féministes, des professeurs de sciences économiques et sociales, des sociologues, une éditrice, un philosophe que je connais pas, qui écrivent là-dedans. Je vais te lire une partie. Et après, je continuerai là-dessus, un petit peu. Donc, en gros, ça commence par la hausse du prix du diesel, et c'est la goutte d'eau de trop dans des emmerdes, entre guillemets, des violences du quotidien sur les chantiers, dans les usines, les EHPAD ou à Pôle emploi. Les organisations de gauche et les inorganisés doivent se rencontrer pour fabriquer ensemble un plan hors sec d'urgence sociale. La situation est quasi insurrectionnelle, aux heures des Champs-Élysées, blablabla, mais surtout des milliers de barrages permanents depuis 3 semaines, ta. Les barrages sont aussi des anniversaires fêtés ensemble, le covoiturage, les solidarités concrètes qui s'organisent, blablabla. Notamment en monde rural pauvre. Ce qui est en partie faux parce que c'est pas vraiment les pauvres qui ont l'air de faire partie au sens des pauvres, au sens des gens qui ont pas de maison, pas de voiture, rien. Non, c'est des gens qui ont quelque chose mais qui ont du mal à acheter plus que ce qu'ils ont, quoi, en gros. C'est-à-dire partir visiblement en vacances, etc. Alors, avant on votait à l'opposé souvent, maintenant au moins on est d'accord sur ce qui nous empêche de vivre, les cadeaux inconditionnés aux plus riches, l'apothéose de leur coffre-fort, Macron qui les sert, nous méprise, ne nous connaît même pas, et les DRH qui licencient. Avant on ne parlait pas d'écologie, sur les barrages, chaque heure, tout le monde en cause, on tombe d'accord, réduire les pollutions, c'est taxer les entreprises polluantes, taxer le kérosène, baisser les prix des voitures propres, blablabla. Réduire ce mouvement à la violence est une erreur, c'est refuser de voir ce qui s'y tisse, des sympathies, tant d'affection neuve et de sentiment d'être ensemble, en commun, coude à coude, cause commune, blablabla. Certains s'indignent des vitrines brisées, de voitures brûlées, mais où est la violence, la vraie, dissimulée, perpétuelle, qui sans cesse ruine les vies? Où est l'obscénité, l'insupportable? La violence est à Pôle emploi, aux guichets sociaux des services publics, avec des agents empêchés d'aider, et des millions de chômeurs ou de pauvres, surtout des femmes, des jeunes méprisés, sans prise sur l'avenir, dans l'insécurité économique, blablabla. Notre gilet est jaune, mais il est vert, rouge aussi, blablabla. Et nous appelons les organisations de gauche, les inorganisés à se rencontrer, nous appelons cela une trêve électorale pour fabriquer ensemble un plan d'urgence sociale, blablabla. Et en gros, nous ne sommes pas avec Marine Le Pen, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que il y a plein de trucs à dire à partir de ce truc-là. Notamment, je pense que ça, c'est en partie une vision de un aspect de ce qui se passe, donc quelque chose qui n'est pas faux. Mais moi, ce que ça me fait dire, c'est que c'est, alors je connais pas directement Patrick Chamoiseau, hein, mais je sais ce qu'il écrit, je sais ce qu'il tweet, puisque je le suis, et puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, mais je pense qu'il, c'est pas vraiment un mais, hein, négatif, hein, mais, et je pense qu'il est issu, c'est un Martiniquais qui est issu, je sais pas s'il est dans le Parti communiste et tout ça, dans le Parti communiste, mais je pense qu'il est porteur d'une grille de lecture qui est celle de la gauche, la belle gauche, hein, je cracherai pas là-dessus du tout, hein, c'est pas une critique, hein, c'est pas un reproche, mais je pense que voir ce mouvement comme un mouvement purement du prolétariat, y voir simplement une lutte des classes, la lutte des classes, quoi, en gros, c'est une méprise de ce que c'est que le mouvement dans sa globalité. Moi, j'aurais tendance à dire, alors Moi, j'ai tendance à avoir des fachos partout, c'est vrai. Donc, quand tu as un mouvement comme ça, où les gens, en fait, ils disent qu'on paye, genre, on paye trop d'impôts, on veut pas payer d'impôts. Alors, t'imagines déjà toutes les contradictions qui est liée à ça. On veut payer moins d'impôts. Donc, si tu payes moins d'impôts, comment tu vas financer les fonctions? Enfin, c'est pas, ça colle pas trop avec l'idéologie de gauche. Si tu veux payer moins d'impôts, comment tu vas financer? Tu peux retirer aux riches pour redistribuer aux pauvres. Si tu veux, déjà je sais pas trop comment tu vas faire, mais tu peux remettre l'ISF, des choses comme ça. Bon, ça, il y a sûrement des choses qui sont normales. Et puis, en partie, j'imagine que tout ça, c'est aussi le fruit d'une espèce d'incompréhension de comment la classe politique, comment la démocratie fonctionne en France et en Europe. Jusque-là, c'est quoi cette classe politique qui a l'air d'être une espèce de classe séparée? Et puis une espèce de déshumanisation des gens, quoi, tu vois, genre, chacun sa merde, vous faites tout chier, enfin, on voit comment est l'ambiance en France depuis plus de 30 ans. Donc, en partie, je veux bien que ça soit une espèce de, tout d'un coup, de rappel que la France est aussi une population avec des gens, des êtres humains, qu'on en ras le cul de plein de choses qui viennent d'en haut, comme ça, qui sont imposées. Ça, je veux bien voir en même temps des rappels au réel, des rappels que... Enfin, moi, j'ai tendance à y voir plutôt... Tout de suite, d'ailleurs, au début, je me suis dit, c'est quoi ce truc, hein, en fait? Et puis, en regardant, je me suis dit, putain, mais c'est, en fait, c'est le mouvement 5 étoiles à la française qui va naître de ça. Parce que, moi, depuis que je vote, je crois que ma crainte implicite, ça a été toujours de faire le barrage au Front National, à l'extrême droite, parce que je me disais, c'est logique vis-à-vis de ce qu'on constate dans le pays, qu'il y a une pression forte d'extrême droite en France, que les gens votent massivement, sont capables de voter massivement pour l'extrême droite, et que le risque est grand depuis longtemps qu'on se retrouve avec un président ou une présidente d'extrême droite. Là, les gens gueulent sur Macron, j'aurais bien voulu voir la gueule du pays si Marine Le Pen était passée aux dernières élections, quoi. Donc maintenant, l'espèce de chasse aux gens, il va y avoir quoi? Une chasse aux gens qui ont voté Macron Parce que là où moi j'y vois de l'extrême droite et du espèce de nouveau populisme, quoi, comme il y en a eu plusieurs époques, hein, le poujadisme et tout ça, et quelque part voilà des espèces de fachos, c'est que bah déjà il y a pas mal d'extrême droite dans le mouvement, des personnalités d'extrême droite. Tout d'un coup il y a Dieudonné qui se pointe là-dedans. Quand tu regardes les commentaires sur YouTube, sur les lives de Brut pendant les manifs, je suis désolé, ça parle quand même beaucoup d'immigrants, d'immigrés, et puis de sionistes. Alors le sionisme, je suis désolé, souvent dans la bouche des gens comme ça sur internet, sioniste c'est pour pas dire juif, donc moi j'ai vu plein de commentaires, c'était oui Macron il est sioniste, genre pendez-les, quoi, tu vois, tu fais ouais, c'est chaud quand même, c'est un petit peu violent. Donc avoir une pure lecture complètement de gauche de ce mouvement en disant voilà, alors c'est une tribune, hein. Il y a eu d'autres tribunes décrites, il y a eu d'autres trucs décrits là-dessus où il y a beaucoup de gens en ce moment qui commencent à dire ok, mais ce mouvement-là va falloir faire gaffe parce que il est quand même très porteur d'idées qui sont soutenues par le Front National, il est quand même très porteur d'idées d'une espèce d'identité française. Même si, parce que je veux dire, le fait de dire que ah, mais sur les barrages, il n'y a pas que des blancs, ça, je veux dire, ça so what, quoi. Il y a des fachos de toutes les couleurs, hein, c'est pas le problème. Et le populisme en Italie, j'imagine qu'il n'y a pas que des Italiens de souche, je sais pas quoi, qui ont couru vers ce mouvement populisme. Et puis en Europe, là, c'est quand même un peu le mouvement, hein, mondialement, ça, on va beaucoup vers ça. Donc derrière ces gens-là, beaucoup sur les commentaires, dans les réseaux sociaux, dans ce qu'on entend, c'est des gens qui critiquent l'Europe, qui disent faut sortir de l'Europe. Tu te dis bah voilà, quoi, ça va ressembler la France dans 4 ans, si c'est, ou peut-être moins, ça se trouve ça va être plus rapide. Si il émane de tout ça un mouvement politique, une force politique, bah j'espère que je me serais barré de France depuis longtemps. Et en plus, là, qu'il y ait de plus de justice sociale, c'est une chose, c'est normal, ça, j'ai envie de dire, c'est pas les premiers à parler de justice sociale, mais justice sociale, c'est un grand mot, mais une fois qu'il y a des mesures concrètes, qu'est-ce qui se passe concrètement? Si c'était si simple que il faut réduire telle taxe, rééquilibrer là, et faire ci, appuyer sur un bouton, c'est... Je suis peut-être naïf, mais je pense que ça aurait déjà été fait. Et voir des mecs dire réduire le mouvement à la violence, c'est une erreur. Le réduire à la violence, c'est une erreur, mais ignorer cette violence, c'est aussi une erreur, je pense. Ce qui s'est passé là à Paris, je ne sais pas si vous étiez à Paris quand ça s'est passé, vous êtes passé à côté des champs. Alors oui, t'entendais aussi des bruits, le nombre de grenades à lacrymo et machin de grenades de désencerclement, on dit. Les bruits étaient hallucinants, on avait l'impression que c'était la guerre, quoi, que c'était une action terroriste à côté, tu vois. Mais les mecs aussi, ils ont cramé des immeubles, ils ont mis le feu quand même à des immeubles, t'imagines que c'était pas, heureusement, je pense qu'ils ont pas fouillé pièce par pièce pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui vivait là, tu vois, il aurait pu avoir des morts. Ils sont rentrés dans l'Arc de Triomphe, ils ont tout pété à l'intérieur, y compris des Mariannes, des symboles de la République, c'est quand même un petit peu flippant. Et il commence à y avoir un petit peu des articles là-dessus, sur les groupuscules justement d'extrême droite qui étaient devant la tombe du soldat inconnu, tout ce qui a été dit sur les migrations, là, le pacte de Marrakech, t'as des gilets jaunes qui ont commencé à dire oui, on va se mobiliser pour que soit pas appliqué ce truc-là, enfin... Bon, après, d'une certaine manière, je pourrais dire oui, bah, de toute façon, je m'en fous, j'ai juste envie de partir de ce pays, mais je pense pas qu'on puisse y voir un truc juste de lutte des classes. Voilà, c'est ça, en fait. J'ai tendance à plus être craintif par rapport à ce type de mouvement. Maintenant, si tout ça, en fait, ça n'était que des gens bien intentionnés. Et que le monde va être plus juste après, c'est tant mieux, mais j'y crois pas 5 minutes, en fait, j'y crois pas. Ça va être un truc comme en Italie, alors oui, il n'y a pas la guerre en Italie, hein, mais bon, si c'est pour ruiner le pays, au final, parce que tout d'un coup, on paye plus d'impôts, qui paye moins d'impôts, l'État nous prend tout, toute cette vision-là de les élites qui nous pillent, qui volent... Au peuple, c'est une vision des choses, c'est du populisme, ça aberrant. Qu'est-ce qui va se passer si c'est pas l'État qui vole l'argent, hein, alors qu'il y ait des dépenses, qu'on veuille faire le nettoyage dans le fonctionnement de l'État, ça serait bien, oui, c'est vrai qu'on prend sûrement les gens pour des cons depuis longtemps. Que l'argent soit gâché, à Paris, on voit bien ce que c'est que l'argent gâché, hein, mais j'ai envie de dire, so what, il n'y avait pas dans le fonctionnement même de la démocratie, il n'y avait pas des outils sociaux, politiques avant pour agir, plutôt que de descendre dans la rue, casser tout, cramer des trucs, bloquer le pays, parce qu'à Paris c'était violent, même les blocages, tu passes en voiture, il y avait des gens qui sortaient de leur bagnole, genre ouais, j'aimerais bien passer, là je dois aller à l'hôpital avec mon fils qui a 4 ans, il y avait des mecs, des gilets jaunes qui s'approchaient pour dire ouais, qu'est-ce qu'il y a, on va te péter la gueule, etc. Ouais, je suis désolé, moi j'ai sur Twitter... J'ai dit, j'ai lâché avec mon autre compte, j'ai lâché, j'espère que ça sera un peu plus carré, plus sécurisé la prochaine fois, parce que sinon ça va être un peu l'occupation. Et on m'a dit point Goldwyn. Déjà, point Goldwyn, c'est pas un argument, j'ai envie de dire so what, quoi. Si j'ai envie de comparer des mecs à des fachos ou à des putains de nazis, j'ai le droit si je me sens. Si je sens être dans mon droit de critiquer parce qu'on critique des fachos, voilà, quoi, j'ai envie de dire, c'est un faux argument, en plus c'est une espèce de redéfinition de ce que c'est que le point Godwin, à la mesure de ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de débat, en fait il y a juste des gens qui s'excitent dans leur coin, ou qui veulent pas qu'on réfléchisse trop, justement, parce que l'art de la grande rhétorique de notre époque, c'est faut pas se prendre la tête, quoi. Ouais, faut pas se prendre la tête, mais t'as vu la gueule de ce mouvement, moi ça me fait plus penser à des cérébrés, que des mecs qui réfléchissent à une solution d'avenir. C'est-à-dire, s'il y en a qui se font des potes sur les barrages en mangeant des saucisses, tant mieux pour eux, tu vois, tu peux aller à la fête de l'UMA aussi pour faire ça, ou la fête des voisins aussi. Hein. Donc, voilà, c'était mon petit coup de gueule, comme on dit, hein, coup de gueule. Mais bon, ça me fatigue en fait. Je trouve que c'est aberrant. Je trouve que c'est aberrant ce qui se passe. Mais... En plus, c'est très simple. Hein. Même les mecs qui demandent la dissolution. Déjà demander que Macron démissionne. T'as envie de dire, bah attends, est-ce que c'est démocratique ça? Les mecs, y a des gens qui ont voté pour eux. Hein. C'est facile de la part de gens qui n'ont pas voté pendant 40 ans, qui se sont exclus de la vie démocratique, de tout d'un coup arriver et dire, nous, on veut ça et on veut qu'ils démissionnent. Vous êtes malades, les mecs. Vous savez comment ça fonctionne, une démocratie. Une démocratie, c'est pas des mecs qui participent à rien et puis qui d'un coup se rendent compte qu'ils sont pauvres ou qu'ils ont même pas pauvres, mais qu'ils n'ont pas assez d'argent et qui vont dans la rue, pètent tout et disent. Voilà, on annule le processus démocratique, maintenant c'est nous qu'on décide, on est le peuple. Mais c'est nous qu'on décide, c'est nous le peuple, ça s'appelle du populisme. Hein. Pour moi, c'est des putains de fachos qui disent des trucs pareils. Donc, bon, ça m'énerve, ouais, c'est clair, ça m'énerve. Bon, comme quoi, vous voyez, il est temps que j'arrête mon podcast, parce que ça me casse les couilles d'être sur Twitter, etc. Là, j'ai supprimé mon compte, je vous dis, j'ai plus envie de participer sur Twitter, j'ai plus envie d'entendre ce que les gens ont à dire, vu qu'ils disent que de la merde, hein, j'ai l'impression. Donc, une certaine fatigue, hein, je me dis, putain, on a donné... En fait, j'ai l'impression que le 20e siècle est... plus particulièrement le 21e siècle, c'est l'apprentissage, c'est pour te montrer, parce que là les gens traitent Macron de facho, les flics de facho, mais en fait de dictateur, etc. Mais en fait, bon, c'est pas de la dictature, le 20e siècle nous apprend pas que ce sont les peuples qui se révoltent contre la dictature, hein, je suis désolé. Le 20e siècle et le 21e siècle, ça nous apprend plutôt que les démocraties sont capables de se tirer une balle dans le pied toute seule et de devenir des dictatures ou d'élire des dictateurs, je veux dire, c'est... Alors évidemment, faut pas demander ça à des gilets jaunes, parce que visiblement les mecs ils sont même pas... voilà, ils sont allés au brevet quoi, puis ils sont arrêtés après. Bon, et eh ben en tout cas, si t'as d'autres trucs à dire sur le sujet, malheureusement je pourrais pas t'écouter parce que c'est pas... y a pas de Twitter, y a rien. Mais voilà, c'était ce que je voulais dire. Donc dans 10 ans on en reparle. On en reparle dans 10 ans. Et puis on en reparle même samedi, tu penseras à moi. Ça fait 2 week-ends que je dis avant, hein, plusieurs jours avant, je dirais bah ça va être violent, vous allez voir. Ils vont tout péter, ils n'ont aucune revendication cohérente. Bah c'est exactement ce qui se passe. Donc samedi ça va être encore pire. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu veux? S'ils vont pousser. Quand il y a une force comme ça, la force va jusqu'au bout. Hein. C'est, une fois que c'est lancé, c'est lancé. La logique va aller jusqu'au bout. Et la logique de ce truc-là. Donc. Évidemment, il y a des belles tribunes d'intellectuels de gauche qui essaient de récupérer le truc aussi et de le rationaliser, mais vous allez voir, ça marchera pas comme ça. Parce qu'il n'y a rien de rationnel dans ce qui se passe. Voilà. Bon, bah, moi je vais me boire ma petite bière maintenant. Tu t'es peut-être dit, putain, il en a pas déjà descendu 15 avant de dire ça, mais non, c'est maintenant que je vais boire ma petite bière. Allez, ciao.